7-7. J'enchaînais, j'en surjoins. Quand j'étais chaud, j'allais voler. En cours, j'étais plutôt violent. En aucun cas, je me laissais faire. J'avais toujours ce qu'il faut, souvent apprécié par toutes les filles. Patrick, c'est par The Wire. J'ai eu envie de pick up. J'ai harcelé de spies pour qu'il me pousse du shit. Il m'a dit, fais partir, ramène 26 et garde le reste. Le petit frère, tu fais l'aigle. Qu'est-ce que t'es sûr de prendre des risques? Et regarde, j'ai tout compris. J'ai grandi, j'ai appris. Qu'en faire du bénéfice, qu'on ferait non, c'est pas si facile. Tout le temps, ma mère me répète de faire attention à mes potes. La plupart, c'est des putes, t'es bourrons, ils t'en mettent trop dans le cul. Plaquette au kilo, police va te faire enculer. Si tu soucies du regard des gens, tu vas jamais y arriver. En peu de temps, je leur ai très mort. Et regarde ma nouvelle moto, c'est à mon buzz qu'elle s'agrippe. Cette pute peut pas lâcher la croûte. Le buzz ramène que du